Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent en nouvelle diffusion Histoire vivante. Cette semaine, d'Auschwitz à Francfort. Un homme en révolte. Deutschland ist heute stolz, die Heimat Goethes und Beethovens zu sein. L'Allemagne est fière d'être la patrie de Goethe et de Beethoven. Toutefois, l'Allemagne est aussi le pays d'Hitler, d'Eichmann et de leurs nombreux acolytes et complices. Im Oberlandesgericht Braunschweig wurde ein Prozess gegen den ehemaligen Generalmajor Remer geführt. In alten Zeiten. En des temps plus reculés, les Allemands n'étaient absolument pas prêts à obéir aveuglément à leurs souverains. Dans les ouvrages de droit écrits au Moyen-Âge, on peut encore trouver cette phrase fondamentale « En pays allemand, chacun est tenu de résister à son empereur ou à son roi si ce dernier commet des injustices ». Nicole Barry, on vous quitte à peine. Nous étions hier en votre compagnie. Alors, je vais rappeler quelques mots de votre présentation. Vous êtes traductrice de l'allemand, directrice d'une association Les Amis du Roi des Aulnes, référence quand même à un certain Tournier Michel, à un certain Volker Schlondorf qui l'a adapté Goethe. Également, et Goethe. Organisatrice de la manifestation Lettres d'Europe et d'ailleurs, on n'en a pas parlé hier, on pourra peut-être en dire un mot aujourd'hui, et directrice de la collection Bibliothèque allemande des éditions Métayer, ça c'est toujours quelque chose que vous poursuivez. Oui, ouais. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que c'est, ces Lettres d'Europe et d'ailleurs ? Alors, Lettres d'Europe et d'ailleurs, c'est une série de manifestations annuelles, de rencontres d'écrivains européens, avec un centre franco-allemand, enfin un pivot de langue française et allemande, pas forcément d'écrivains français et allemands, mais de langue française et de langue allemande, et puis autour des écrivains du nord de l'Europe et du sud, de l'est, je peux dire de l'ouest, sur des thèmes différents. On a une année, c'était la frontière, une autre année, ce que la littérature a à nous dire du climat. Cette année, si vraiment on peut le faire, ça sera l'écrivain et l'animal. Thème, en effet, relativement dans à la mode. Dans l'air du temps. Dans l'air du temps. Tendance. Parmi vos centres d'intérêt, vous nous disiez hier que la littérature qui prenait en compte l'histoire contemporaine avait plutôt vos faveurs. Parmi les auteurs qu'on n'a pas cités, que vous avez édités, en tout cas un temps, même si aujourd'hui elle n'est plus chez vous, Herta Müller. Vous pourriez peut-être nous en dire quelques mots pour ceux qui ne l'auraient pas lu, qui ne la connaîtraient pas. Oui, Herta Müller est une écrivaine de langue allemande, mais qui est née près de Timișoara et qui fait partie de la minorité allemande du Banat. Bon, elle est née dans la Roumanie de Ceausescu, ou plutôt elle a vécu dans la Roumanie de Ceausescu. Elle a été, comme toute la minorité allemande du Banat, très fortement discriminée. Et elle a été particulièrement poursuivie par la Securitat. Et finalement, elle a eu la possibilité d'émigrer en Allemagne de l'Ouest. Et elle a, de cette expérience de la Roumanie de Ceausescu d'une part, de l'émigration en Allemagne d'autre part, elle a tiré quelques petits bijoux littéraires, dont L'homme est un faisan sur terre. Je lui envie ce titre. Oui, oui, oui. C'est un proverbe roumain en réalité. Oui. Elle a eu le prix Nobel en 2009. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a une écriture absolument unique dans la littérature allemande contemporaine. Parce que, pour revenir à ce qu'on disait hier, son écriture allemande est très fortement marquée par la langue roumaine. Donc il y a des très belles images qu'elle fait rentrer dans l'allemand et qui viennent en réalité du roumain. C'est-à-dire qu'elle retraduit, elle traduit des expressions roumaines dans la langue allemande. La langue allemande, ça la fait exploser, parce que bon, les langues ont une certaine élasticité, mais enfin, il y a quand même des limites. Donc, c'est pas toujours très facile non plus à traduire. C'est ce que j'allais vous dire. Il faut faire exploser la langue française pour pouvoir traduire. Mais là, vous donnez une mission au traducteur ou traductrice qui est quasiment mission impossible. Vous le prévenez à l'avance ou vous la prévenez à l'avance? Écoutez, Herta Müller, elle a deux traductrices. L'une est Claire de Oliveira et moi, je suis l'autre. Mmh. Et, donc, et vous-même, vous êtes prévenu. Toutes les deux, nous sommes prévenus, oui. Oui, oui. Alors, des rapports toujours tendus avec la Securitate pour Erta Müller. La Securitate l'a fait passer pour une agent. Oui. Après l'avoir considérée comme une ennemie du peuple, quand elle a immigré en Allemagne, ils ont fait courir le bruit qu'elle était une espionne. Elle travaillait pour eux, elle était une espionne. Et l'Allemagne de l'Ouest ne le croyait pas, mais enfin quand même, il y a eu une enquête assez... Puis elle est restée dans un camp de transit assez longtemps pour que les services secrets allemands puissent prouver qu'effectivement, elle n'était pas une espionne à la solde de la Securitate. Alors, très commun de Hertha Müller avec Christa Wolff, c'est les rapports complexes avec les services secrets, et puis la capacité que ces deux auteurs ont d'analyser, à la fois de subir, mais également en contre-attaque, d'analyser et de saisir. Est-ce qu'on pourrait arriver à faire une passerelle et comment la tisser, Nicole Barry, avec notre personnage central de la semaine, à savoir Fritz Bauer, qui lui, à sa manière et d'une toute autre façon, non pas en tant qu'homme de lettres, quoique, il parle magnifiquement bien, une très belle langue, on l'a entendu tout au long de la semaine, mais lui aussi décortique et analyse et tente justement à la nouvelle génération qui se trouve à plusieurs reprises en face de lui, d'expliquer ce qu'est le profil d'un fasciste lambda, d'un homme ordinaire, enfin d'un être ordinaire. Alors, je vois d'abord un rapport entre Hertha Müller et Fritz Bauer, parce que Hertha Müller et Fritz Bauer ont en commun d'avoir été des citoyens d'un pays qui les a considérés comme un ennemi. Les Roumains de Ceaușescu ne voulaient pas de Hertha Müller, considéré comme un élément ennemi du peuple, du pays, du régime, et les nazis ne voulaient pas de Fritz Bauer parce qu'il était juif et aussi parce qu'il était membre du SPD. Ça a joué un rôle dans la façon dont très vite les nazis ont été alertés par l'existence de Fritz Bauer dès 1933. Donc je vois ce lien. Maintenant, au niveau de l'explication, je vois davantage un lien entre Christa Wolff et Fritz Bauer, parce que l'un et l'autre ont le souci de faire éclater une vérité et de faire en sorte que les gens à qui ils s'adressent s'interrogent, se posent des questions, et qu'ils se posent des questions à eux-mêmes aussi, et qu'ils grandissent et qu'ils apprennent. Fritz Bauer écrit à, je crois que c'est dans une lettre à Kurt Schumacher, il n'est pas encore rentré en Allemagne après 1945. Ce qu'il veut faire, il veut pas. Il n'a pas une attitude de revanche, il n'a pas une attitude de grand punisseur. Il veut aider les Allemands sur la voie de la démocratie. Et pour les aider à devenir des démocrates, il faut faire un retour sur le passé. Et il faut regarder le passé en face. Il faut voir ce qui s'est passé. Il faut le savoir. Il faut pouvoir l'assumer pour après repartir. Et c'est tout le travail, toute la mission que s'est imposé Fritz Bauer, parce qu'on ne construit rien de neuf sur des mensonges. Depuis son exil, Fritz Bauer observe le procès des principaux responsables du Troisième Reich qui se déroule à Nuremberg et aux premières condamnations pour crimes contre l'humanité. Mais il pense que les crimes nazis ne doivent pas être jugés uniquement par la justice des Alliés, mais aussi par les tribunaux allemands. Il craint également que les condamnations prononcées contre les hauts responsables nazis n'exonèrent le reste de la population allemande de toute réflexion sur ses crimes et sa culpabilité. Même si, chacun dans leur zone d'occupation, les Alliés ont imposé des politiques d'épuration en soumettant tous les anciens fonctionnaires à des questionnaires très détaillés sur leurs activités sous le régime national-socialiste, Fritz Bauer sait que les sanctions sont rares et les interdictions professionnelles limitées. En 1949, 4 années après la fin de la guerre, plus déterminé que jamais, Fritz Bauer peut enfin rentrer dans son pays. Grâce à ses camarades du Parti socialiste, il obtient d'être nommé directeur du tribunal régional de Brunswick. Retour à Histoire vivante, juste après quelques nouvelles de la route. Infotrafic RTS. Il n'y a plus de danger lié au contresens annoncé précédemment sur la bretelle d'accès de Lugano Centre entre l'échangeur de Lugano Nord et Massagno. Nicole Barry, aimez-vous les chapeaux ? Les chapeaux au sens propre ou au sens figuré ? Comme vous l'entendez. Au sens propre, je n'en porte pas beaucoup. Cependant, vous avez beaucoup de casquettes, parce que on l'a vu hier, vous êtes, je l'ai rappelé à ce micro, traductrice, éditrice, directeur d'association, enfin bref, on va pas tout redire. Et maintenant, autre travail, nouveau boulot, si j'ose dire, vous vous attaquez au documentaire, enfin de façon peut-être un peu indirecte, vous n'êtes pas derrière la caméra en train de dire... Ça tourne, mais voilà, il y a quelque chose que vous, sur lequel vous avez œuvré et qui devient documentaire. Alors, d'abord, ce n'est pas nouveau, parce que j'ai fait, il y a assez longtemps, avec Christian Delage, qui est historien et réalisateur, 3 films documentaires, toujours comme auteur, pas du tout, j'étais pas derrière la caméra, sur les écrivains allemands, sur Berlin, sur... Bon. Et puis, avec Bernard Mangiante, un documentaire sur la fin de la RDA. Donc tout ça, c'était dans les années 80, au début des années 90. Alors c'est quoi ce boulot-là ? Oui. Comment vous le pratiquez, ce travail-là ? Avant qu'on en vienne à Fritz Bauer. Peut-être sur la façon dont je suis arrivée à ce sujet qui est Fritz Bauer. J'ai vu les films de fiction. J'étais à Berlin, j'ai vu les 2 films de fiction. Autrement dit, on rappelle Un héros allemand, le film allemand, et puis l'autre film allemand également, Le labyrinthe du silence, voilà. Traduit Le labyrinthe du silence en français. Et j'ai été frappée par l'évocation des années 50, du silence des années 50, de la fin des années 50. Il se trouve que je suis allée en Allemagne la première fois en 55. J'ai fait des études à Marbourg et à Vienne en 58 et en 60. Et à partir de 61 jusqu'en 63, j'ai vécu à Munich. Donc, ça a fait remonter chez moi tous les souvenirs... que j'avais un peu enfoui de cette Allemagne extrêmement pesante, extrêmement puritaine, sans passé, qui me faisait très peur, parce que je me demandais toujours quand je voyais les gens dans la rue, ce qu'ils avaient fait avant. Oui, la veille, vous étiez où? Voilà, oui, oui. C'est à peu près ça. Mais j'avais un peu oublié tout ça, parce qu'après, je suis revenue, j'ai vécu en Allemagne. C'était, puis ailleurs, Berlin, c'est quand même autre chose que le reste de l'Allemagne. Donc, quand je suis rentrée à Paris, après avoir vu ces films, avoir repensé à mes souvenirs de cette époque-là, j'ai discuté avec des amis français beaucoup plus jeunes que moi, et qui m'ont dit « Mais je vois pas pourquoi tu t'intéresses tellement à ce personnage. Les Allemands ont toujours su faire un travail sur leur passé. » Je dis « Mais non. Non. S'ils ont su le faire, c'est parce qu'à partir de la fin des années 50, 1960, etc., il y a quelqu'un comme Fritz Bauer qui s'est employé à sortir le passé de... Il était complètement enfoui, ce passé. Il l'a fait émerger et puis il a rappelé ce qui s'était passé. Et il se trouve que c'est dans ces années-là, des années 60, où on a une lente montée vers ce qu'on va appeler la révolte des étudiants. Fritz Bauer n'y est pas pour rien. Même si, bon, c'est vrai qu'il meurt en juillet 68, donc il n'a pas participé à toute cette éclosion. Mais je pense que tout le travail qu'il a fait participe de ce mouvement qui se met en route lentement dans la société, dans les universités, dans les peu partout, et qui va aboutir à 68, c'est-à-dire à 67, 68, à la révolte des étudiants, avant qu'elle dégénère et que certains prennent les armes et que ça devienne fraction armée rouge. Donc, à ce titre-là, quand j'ai entendu ces réactions d'amis autour de moi, je me suis dit « mais c'est vrai ». On a ce cliché en France, les Allemands ont su le faire. Les Allemands ont toujours su regarder leur passé. Non, il faut peut-être rendre à César ce qui lui appartient et expliquer que dans ce fond, sur ce fond des années 50 qui était extrêmement lourde, pesante, oublieuse, mensongère, il y a quelqu'un comme Fritz Bauer qui saisit toutes les occasions pour faire émerger la vérité. Une Allemagne qui plus est toujours autoritaire en ce temps-là. Juste d'un mot, parce que je n'ai pas eu la présence d'esprit de regarder la date de naissance, ou tout au moins je ne l'ai pas mémorisé, de Fritz Bauer, mais quand je vous entends dire qu'il est mort en juillet 68, je l'imagine mourir finalement assez jeune. Serait-il mort un peu d'épuisement, cet homme-là? Il était cardiaque. Et il est mort apparemment, je dis apparemment parce qu'il y a eu beaucoup de controverses sur sa mort, parce qu'on l'a trouvé mort dans sa baignoire. Fritz Bauer était quelqu'un qui vivait seul. Et on l'a trouvé une journée après, comme il avait reçu énormément de lettres de menaces. Il faut voir l'hostilité que ça a pu déclencher. Donc, on a beaucoup pensé, on a beaucoup spéculé sur la possibilité d'un assassinat ou pas. On a aussi spéculé sur le suicide. Il y a un rapport d'autopsie, hein, mais il y a aussi des choses qui sont pas claires au niveau du rapport d'autopsie. Parce qu'il est pas daté du moment où l'autopsie a été faite, enfin... Il y a des choses qui sont pas claires, mais dans le travail que nous avons fait avec Catherine Bernstein, nous avons décidé, c'était pas notre sujet de remettre en cause la mort de Fritz Bauer, donc nous avons décidé de nous en tenir au document officiel selon lequel il est mort d'une crise cardiaque. Puisque nous voulions centrer le film sur le travail de Fritz Bauer, et pas du tout sur les causes éventuelles de sa mort. Fritz Bauer multiplie les interventions, colloques, prises de parole publiques autour des notions de désobéissance et de résistance dans le passé et le présent. En poursuivant ses multiples instructions, Fritz Bauer découvre des documents prouvant l'implication dans les crimes nazis de certains hauts magistrats toujours en fonction. Il voit là l'occasion d'organiser enfin un grand procès des juristes qui, ayant collaboré avec le régime hitlérien, ont continué leur carrière sans être inquiétés. Il instruit un dossier et transmet les preuves, selon la procédure, à la Cour fédérale de justice. Mais le 1er juillet 1968, Fritz Bauer est retrouvé mort dans sa baignoire. Toutes les théories ont été élaborées, mais il est possible que sa fragilité cardiaque soit la cause de son décès. Quoi qu'il en soit, le procès des magistrats allemands impliqués dans le nazisme n'aura pas lieu. Son successeur enterre le dossier. Nicole Barry, comment présenter, si vous aviez par exemple devant vous un... Et ça vous arrivera certainement à maintes reprises, quand le film va devenir un collector... qu'il va remplir les salles et que vous aurez devant vous un public affamé de débats, les jeunes gens, ceux d'aujourd'hui, à qui vous faites effectivement découvrir que l'Allemagne n'a pas toujours fait le travail d'histoire tel qu'on se le représente aujourd'hui, qu'il a largement fait depuis, il ne faut pas non plus le mettre de côté, mais qu'il y a un moment, un sas, où précisément... Parce que c'est trop tôt, parce qu'il y a des personnes encore en vie, parce que ça crée de la menace, pour le coup, sur les personnes, et qu'il y a une sorte de tranquille oubli, tranquille amnésie. Que pouvez-vous leur dire, ou que pourriez-vous leur dire de plus que ce que votre film raconte? Est-ce que Fritz Bauer sert comme personnage pour dire, quand bien même, quand la guerre est finie, les combats ne sont pas finis? Ça doit se poursuivre. Ça doit passer par la justice, par Fritz Bauer. On peut dire qu'on reprend confiance avec la justice alors qu'il ne s'agit que du travail d'un homme qu'on a tout fait, et notamment son administration, pour l'encombrer. Est-ce que c'est donc d'abord un éclaireur qui nous permet de garder un certain optimisme où on se dit, ben, voilà, il faut se forger moralement à la hauteur d'un Fritz Bauer pour pouvoir espérer encore être un brin optimiste? D'une certaine façon, je dirais oui. Et je crois pas qu'il y ait beaucoup de Fritz Bauer dans le monde. Et je pense que Fritz Bauer a été une chance pour l'Allemagne. Même si l'Allemagne a mis du temps à reconnaître que Fritz Bauer était vraiment leur chance de construire quelque chose de nouveau. Bien sûr, je suis consciente que c'est un peu difficile d'ici, de France... de parler de tous ces manquements de l'Allemagne entre 1945 et 1960, parce que la France, en matière de manquements, a aussi son compte. J'ai ouï dire que la Suisse en avait quelques-uns. Les pays sont oublieux, donc. Voilà, les pays sont oublieux. Donc, je sais à quel point en France, il y a tout un travail de mémoire qui devrait être fait et qui n'a pas toujours été fait. Et il est encore temps pour beaucoup de sujets de le faire. Mais Fritz Bauer a eu un engagement politique. Je pense qu'il faut... Il faut se souvenir de cet engagement politique avant 1933. Il a été le plus jeune procureur à Stuttgart. Il était le seul procureur inscrit au SPD. Il a écrit des textes entre 28, 29 et 33 contre le nazisme, enfin le système qui était en train de se mettre en place. Là aussi, c'était avant les élections de 33, mais on pouvait se rendre compte de tout ce que les nazis proposaient. Donc c'était un peu dans l'air ambiant. Je ne sais pas si Fritz Bauer avait lu Mein Kampf, mais il était informé, alerté, soucieux. En plus, il était d'une famille juive et il se rendait compte des risques, des menaces qui allaient peser sur sa famille. Ça, c'est évident. Donc quand il revient en Allemagne en 1949, en réalité, depuis 1945, depuis la fin de la guerre, il brûle du désir de revenir. Il voit aussi les autres personnages importants du SPD rentrer en Allemagne. Ceux qui rentrent en Allemagne ne sont pas juifs. Personne ne lui écrit noir sur blanc, il vaut mieux que vous ne rentriez pas ou que tu ne rentres pas, parce que les Allemands vont croire que tu veux te venger. Mais c'est dit entre les lignes, dans la réponse que lui fait Schumacher, dans la réponse que lui donnent les Américains, qui lui disent, il est trop tôt, mais oui, on va vous trouver un poste, enfin, vous allez pouvoir rentrer. Mais en réalité, rien ne se fait. C'est finalement par l'intermédiaire de Franz Schumacher qu'il arrive à retrouver un poste. Mais on peut déduire de tout ça qu'effectivement, aussi bien les puissances d'occupation, en l'occurrence les Américains, et les responsables du SPD, n'avaient pas trop envie que leurs amis juifs rentrent trop tôt, parce qu'ils pensaient que la population allemande, qui n'était pas complètement inconsciente et qui savait, même si tout le monde avait qu'il savait rien, allait avoir peur de vengeance. Pour vous donner un exemple, à Francfort, c'était le maire placé par les Américains, je crois, qui avait fait nommer dans un hôpital de Francfort un gynécologue juif. Il y a eu une pétition parce que les gens ont écrit « Mais on peut pas confier nos femmes, ce médecin va vouloir se venger ». Donc, quand on dit, on reprend ce qui a été dit, personne ne savait rien, etc., ce qui est complètement faux. Majorité, il y avait énormément de gens qui savaient, même s'il n'y avait pas les détails, mais ils savaient, bon, puisqu'ils craignaient cette vengeance. Ça, c'est quelque chose qui est sous-jacent, qui n'est pas vraiment dit, mais qui est là dans les arguments qu'on lui donne. Et quand il explique pourquoi il veut rentrer, il dit toujours qu'il veut participer au nouveau départ de l'Allemagne, il veut participer à cette reconstruction, parce que l'Allemagne va devenir une démocratie, et il faut, pour que ça soit une démocratie, il y a du travail à faire. S'ajoute à ça que très tôt, le procès de Nuremberg a été contesté. Pourquoi ? Parce que c'était la justice des Alliés. Et l'idée de Fritz Bauer était, cette contestation existe, il n'en est pas moins vrai que le procès de Nuremberg a eu sa légitimité, mais il faut que la justice allemande condamne, juge plutôt, déjà, avant de les condamner, les criminels responsable. La grande idée de Fritz Bauer, c'était non pas seulement de faire comparaître les criminels, mais c'était de juger l'ensemble d'un système. On retrouve là le vieux débat qui avait eu lieu au moment de Nuremberg entre crimes contre l'humanité et génocide. Or, dans un prétoire, on condamne des individus, on juge des individus, on ne juge pas une idéologie. Les crimes contre l'humanité relève du droit et le terme de génocide renvoie à une explication, un système philosophique, enfin philosophique. C'est une explication intellectuelle, c'est pas juridique. Donc c'est ce qui va être un peu la déception de Bauer au moment des procès de Nuremberg à Francfort, c'est que le tribunal ne va pas le suivre. Le tribunal ne va pas vouloir juger le système, ni Auschwitz, ni la machine exterminatrice. Le tribunal va juger des hommes présents dans le tribunal. Il y a une histoire concernant Fritz Bauer qui résume brièvement, mais de façon très concrète, le personnage. Fritz Bauer reçoit une lettre d'un certain Lothar Hermann, un Allemand juif exilé en Argentine. Celui-ci lui confie qu'il a découvert où se cache Adolf Eichmann, sous un faux nom. C'est une information incroyablement précieuse. Ça fait des années que Fritz Bauer recherche Eichmann. On vient de lui fournir un indice capital. Que faire avec cette information? Normalement, un procureur a des consignes très claires. Il doit engager une procédure. Mais Fritz Bauer, tout procureur qu'il était, savait qu'il ne pouvait pas emprunter la voie légale. Parce qu'ouvrir une information judiciaire, mettre ses collaborateurs dans la confidence, aurait très certainement eu pour conséquence que Eichmann aurait été averti. Fritz Bauer a donc dû décider tout seul de ce qu'il allait faire de cette information. Et il a choisi de ne pas emprunter la voie légale, mais de s'adresser plutôt au service secret israélien, au Mossad. Ce qu'a fait Fritz Bauer était illégal et condamnable. À ce moment-là, il a risqué sa carrière, sa liberté. Si on avait su qu'un procureur allemand avait dénoncé un citoyen allemand auprès d'un service secret étranger pour que celui-ci le kidnappe, cela aurait mis immédiatement fin à sa carrière. Le Mossad attendra la mort de Fritz Bauer pour révéler à l'Allemagne son rôle dans l'arrestation d'Eichmann. En vous entendant, Nicole Barry, je repensais à la confrontation dans le procès à Eichmann entre Gédéon Hausner, le procureur, et l'avocat d'Eichmann, qui tenait, cet avocat dont le nom m'échappe à l'instant, que le procès d'Eichmann, coûte que coûte, se déroule en Allemagne et non en Israël. Est-ce que d'une certaine manière, c'est étalé dans le sens que vous évoquiez précédemment d'un Fritz Bauer? Fritz Bauer avait espéré que l'Allemagne demanderait l'extradition d'Eichmann. Il avait même espéré, quand il était allé voir le Mossad et qu'il leur avait donné les indications qu'il avait, à Israël, voilà, que le Mossad lui rendrait l'ascenseur et que Eichmann pourrait être jugé en Allemagne. Le Mossad n'est pas prêteur. Le Mossad n'est pas prêteur. D'autre part, l'Allemagne n'aurait pas demandé l'extradition, oui, à l'époque. L'Allemagne n'aurait jamais voulu avoir l'air de s'opposer à une décision d'Israël. C'était pas possible. Pas tenable. Donc, c'était impensable. Mais Fritz Bauer avait rêvé d'être le procureur et de faire le réquisitoire contre Eichmann. D'autre part, il y avait encore un autre problème, c'est que l'Allemagne de l'Ouest avait aboli la peine de mort. Et qu'est-ce qu'on aurait fait d'Eichmann? Il aurait été emprisonné à perpétuité. Quelle belle plaidoirie à écrire pour un de vos futurs auteurs que celle-ci. Je suis en train de penser au transport d'A.H. de Georg Steiner, où Steiner fait dire à A.H. Adolf Hitler sa propre plaidoirie. Hein? On pourrait imaginer cela. Ah, écoutez, Nicole Barry, retrouvons-nous un peu plus tard pour parler d'autres sujets. C'était déjà un plaisir de vous recevoir dans Histoire vivante. Merci de votre visite. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Assistana de production, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.